Divers pays et régions du monde ont rapporté la nouvelle des activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un. Les agences de presse américaines AP, russes TASS et japonaises Gyodong, le réseau chinois Planet, les pages internet du forum anti-impérialiste allemand Nouvelle des Inspections, de l'association d'études du kim-sunisme kim-jong-lisme de Rostov, de l'association d'études des idées du Juche et de la politique de Sungun d'Alengesk, du groupe de solidarité avec la République populaire démocratique de Corée et de Russie, de l'association d'amitié Pekdusan Tchèque-Corée, du comité national nigérien d'études du kim-sunisme kim-jong-lisme, du comité national d'études des idées du Juche du Congo démocratique et du comité africain pour l'amitié et la solidarité avec la Corée siégeant au Nigeria ont présenté la nouvelle de son discours à la 8e conférence de l'Organisation des enfants de Corée. Les hommages tchèques et du comité africain siégeant au Nigérien ont également rapporté que le maréchal coréen s'est fait photographier en souvenir avec les participants à la 8e conférence de l'Organisation des enfants. Les hommages internet ont illustré les photos du maréchal coréen.